changement. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. C'est le début de la grosse vente, fin de session, émission, tout doit partir. Aujourd'hui, on écoule le stock de gadgets inutiles dans Ça existe, mais ça ne devrait pas là. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis va être de retour demain. Et aujourd'hui, on est en direct des studios de 6 fois 3 Rivières en ce mercredi 22 avril 2015. Juste avant l'émission, toujours entre 6h30 et 7h30, c'est ce qu'on appelle à l'interne Assemblage prérequis. C'est une émission préenregistrée qui présente les meilleurs moments d'Assemblage requis. Et ça donne qu'on a terminé avec du Ça existe, la chronique de gadgets inutiles il y a quelques instants, et que je vous ai préparé pour les deux prochaines heures aussi du gadget inutile. Donc, c'est le festival du On vide le backstore de gadgets inutiles. Vous savez, à travers la session, j'accumule des liens sans finir, sans fin. Ça s'empile là, par-dessus l'autre jusqu'au plafond. Éventuellement, ben, on doit bien se débarrasser de tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire que du Ça existe entrecoupé de pièces musicales parce que oui, je suis seul. Stéphanie Paradis n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais en plus, on n'a pas Frédéric Bernard et sa chronique Crackpot TV. On n'a pas Cindy Gilbert. Elle a terminé il y a 2 semaines. Donc, on a absolument rien d'autre que moi aujourd'hui entre 7h30 et 9h30. En plus du Mathieu Plancheau à 13h et des Parfums Assez Fous à 15h où je vais être seul dans les deux cas aussi. Donc, c'est que du moi et vous. On va s'amuser ensemble, on va se tripoter un peu. Avant de commencer avec une première partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas être là. On fait une première partie en direct aujourd'hui. On écoute une nouvelle entrée du côté anglophone et je l'ai choisie parce que j'ai l'impression qu'elle va être calme. C'est la formation locale Bears of Legend. Voici leur nouvelle entrée, Beside Me, tout de suite au 89.1 FM, c'est fou. You are a friend, the very first to know me as a man, the very last to kiss me in the end. But I am hard, I know, to comprehend. 'Cause I'm not a saint, I got the devil in my selfish hand. I know you're seeking for a better man, like a treasure hiding in the sand. Still you wake up beside me, you wake up beside me. Still you wake up beside me, you wake up beside me. Me. c'était Bearers of Legend et Beside Me sur le nouvel album Ghost Written Chronicles. Formation locale, Bearers of Legend, on les adore. Vous êtes à Assemblage Rocky, on se réveille comme ça et comme j'ai dit tantôt, on doit vider l'arrière-boutique de tout son stock de gadgets inutiles trouvés sur Internet. Donc voici une première partie pour aujourd'hui de Ça existe, mais ça ne devrait pas là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, la chronique, on achète des gadgets inutiles trouvés sur Internet. Et commençons aujourd'hui avec des boîtes pliables en plastique pour votre voiture. Je trouve ça vraiment intelligent et j'en veux. En fait, j'en voudrais si j'avais une voiture. C'est donc assez simple. C'est pour économiser de l'espace. C'est des paniers en plastique pliables faits pour mettre, évidemment, votre cargaison dans votre valise de voiture, transporter votre épicerie ou n'importe quoi d'autre pour que ça arrête de bouger dans votre voiture. Donc, chaque caisse a de grandes poignées pour être facile à soulever. Ça se défait en morceaux pour être facile à mettre de côté si vous avez autre chose à mettre dans la valise de la voiture. C'est assez compact pour mettre en-dessous d'un siège de voiture même et ça vient en noir ou en bleu. Vous avez le choix. C'est donc une solution assez pratique pour ceux qui ont beaucoup de choses à transporter dans leur voiture et elles sont quand même assez jolies d'apparence un peu... mais un peu décorative presque. Ça ressemble un peu à une caisse de lait par moment dépendant de comment tu la regardes. Mais c'est quand même joli. Ensuite, allons-y avec le Masterson Rinse Well. Pour ceux qui sont peintres, qui utilisent de la peinture évidemment sur leur pinceau, c'est bien normal, j'espère que la plupart des peintres font ça. C'est donc une bouteille de plastique, bouteille d'eau de 28 onces, 840 ml, qui lorsque remplie et inversée dans sa base, va faire sortir l'eau dans un petit puits au centre pour pouvoir mouiller sa brosse et pour nettoyer ensuite. Donc, tu appuies sur le bouton à l'avant, ce qui va drainer l'eau usagée dans le réservoir en dessous et il va automatiquement remplir le puits avec de l'eau propre. Et la place autour du puits peut aussi être utilisée pour, comme palette. Et il y a des places donc pour mettre de la peinture. Hein? Et une autre place aussi, des petits trous pour faire tenir vos pinceaux. Donc, une unité multifonction. Très simple à utiliser, durable, propre, pas cher, et donc un excellent outil, nous dit-on. Il y a aussi, on vous suggère l'investissement de prendre une deuxième bouteille pour quand vous avez besoin justement de plus d'eau que ce que la bouteille de 840 ml va vous donner. C'est 15$, c'est le Masterson Freshwater Rinse Well, disponible chez Amazon. Ensuite de ça, on va y aller avec, des crayons. Vous avez peut-être déjà eu l'impression que vous avez tellement d'inspiration que vous pourriez écrire pendant des kilomètres et des kilomètres. Et bien, ces crayons plomb de Lion & Lion, vous allez savoir que vous allez avoir écrit pendant 6 miles, parce que c'est des crayons qui s'appellent les 6 Mile Pencils, fabriqués par Chambers. Donc, c'est un des derniers manufacturiers de crayons plomb en Angleterre. C'est disponible en version 6 miles et en version 10 kilometers, donc 10 kilomètres, en ensemble, avec les crayons qui sont marqués comme une règle à chaque pouce ou chaque centimètre, respectivement. Chaque ensemble 6 miles pencils vient avec 4 crayons et un petit cahier pour 8 livres, environ 12$ américains. Et ça, c'est chez Lion & Lion. Ça va être disponible aux États-Unis et probablement ailleurs si vous cherchez moindrement. Donc, c'est les crayons 6 miles et 10 kilometers. J'aime vraiment bien le principe. Ensuite de ça, allons-y avec des chandelles inspirées par les jeux vidéo pour vous mettre d'humeur dans le mood pour jouer. C'est Game Tea qui vend une collection de chandelles inspirées par les jeux vidéo pour 8$ chacune. Elles sont à odeur de Zelda avec des odeurs des senteurs de feuilles, hein, de menthe fraîche et d'eucalyptus. Il y a la version Portal avec des vêtements fraîchement lavés. On sait que le héros... c'est le héros, je pense, de Portal qui est toujours bien propre. Fleurs de coton pure, du lilas, de la vanille, des trucs comme ça. T'as la saveur... la senteur Final Fantasy avec de l'odeur de bois et d'épices marocaines. T'as Skyrim avec l'odeur de bûche, de fumée et de bois. Bûche et bois, c'est pas la même chose, mais bon, c'est deux sortes de bois différents dans l'article. Donc voilà, les jeux vidéo qui apparemment sentent ça, on peut pas vraiment savoir comment ils se sont inspirés, mais l'odeur a été créée pour donner l'impression de jouer à ce jeu. Ensuite, celui-là, j'en ai déjà parlé de trucs comme ça, mais celui-là est quand même joli et a l'air moins cher que les autres, 55$. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez de la difficulté à vous retenir sur certaines affaires. Moi, c'est sur les gadgets. Il y en a sur qui c'est la nourriture sucrée, par exemple. Il y en a qui ça pourrait être aller voir Facebook sur leur téléphone cellulaire. Mais là, pour le gadget, en ce moment, c'est le Kitchen Safe qui vous aide à vraiment vous engager à ne pas utiliser quelque chose comme manger des biscuits, Donc, c'est fait de plastique épais, sans BPA. Donc, il y a un moteur à l'intérieur qui va barrer le couvercle. Et il y a une minuterie qu'on peut paramétrer comme on veut, qui va faire le décompte vers l'ouverture possible du contenant. Une fois barré entre 1 minute et 10 jours, le contenant va simplement juste pas être ouvrable. Et pas de override, donc vous n'allez pas pouvoir piler par-dessus la règle KitchenSafe, qui est l'outil idéal pour vous empêcher de commettre des péchés capitaux, hein? Ou capépitaux, si c'est des biscuits au pépé. Il n'y a pas de public pour réagir à mes blagues, fait que ça tombe un peu à plat. Ensuite, ça c'est quand même intéressant. C'est une pelle et aussi une souffleuse pour débarrasser de la neige. Évidemment, là, c'est peut-être le moment de l'acheter parce qu'il n'y a plus de neige. Sûrement que les prix vont baisser. C'est peut-être pas le moment de l'acheter pour s'en servir, malheureusement. Mais pour tasser la neige de votre chemin, de vos escaliers, de votre, je sais pas, vos trottoirs, peut-être, ça va être facile dorénavant avec le Snow Joe Ion 13 SS 40 volts Cordless Snow Shovel, bien sûr, avec batterie rechargeable. C'est donc une souffleuse assez compacte pour entrer dans un tout petit corridor de place. C'est assez puissant aussi pour vous économiser du temps et de l'effort en tassant complètement la neige pour vous. Ça utilise une pile 40 volts, comme ça dit dans le nom. Ça fonctionne avec par charge à 52 minutes de long. Donc vous n'aurez pas besoin de remplir ça de gaz, de tirer sur des cordons, des fils, extensions, etc. Il n'y a pas tellement de bruit non plus, moins que d'autres sortes de souffleuses parce que c'est plus petit, évidemment. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est sur assemblagerequis.com. Plus petit qu'une souffleuse, ça nettoie un chemin de 13 pouces de large, donc un pied et un pouce. 500 watts pour le moteur qui peut tasser 300 livres de neige par minute et deux lames qui vont pouvoir envoyer la neige à 25 pieds de distance. Ça peut faire jusqu'à 6 pieds de profond. De profondeur. Il y a quand même pas mal de détails dans l'article. Le poids. Non, c'est ça. Je pense que c'est assez pour ça. Non, c'est ça. 12 livres. Je cherchais le poids en tant que tel. 12 livres. Voilà. Il y a une version avec fil aussi. Mais pourquoi acheter la version avec fil si tu peux acheter la version sans fil? Ensuite, un multi-outil fait pour les enfants. Les canifs, c'est cool. Les enfants, peut-être, vont vous dire hey, waouh, c'est ton canif, j'en veux un. Non, c'est un peu trop dangereux. Hein? Donc, c'est un canif pour enfants, le Leatherman Leap. Un multi-outil. Donc, Leatherman qui réalise les besoins des enfants. C'est pour ceux entre 9 ans, de 9 ans et plus, voilà. Ça s'appelle le Leap, L-E-A-P, avec 13 outils, dont des pinces, une petite scie, un coupe-fil, ciseaux, règles, des petites pincettes, tournevis et plus encore. L'outil a des sûretés, pour l'empêcher d'être ouvert. Et les poignées en nylon vitreux, glass-filled nylon, est fait pour être vraiment sécuritaire dans les mains pour pas l'échapper. Donc, le Leap vient aussi avec une lame qui peut être installé par les parents. Donc, c'est le parent qui doit l'installer lorsque l'enfant est prêt à avoir plus de responsabilités dans son outil. C'est garanti 25 ans, le Leatherman Leap, donc est un bon outil de départ pour les enfants. Disponible en rouge, en bleu ou en vert. C'est des couleurs assez, je dirais, des belles couleurs. C'est pas des couleurs enfantines, c'est un bleu, je trouve, adulte et un vert adulte. Donc, les enfants vont avoir l'impression de jouer avec un outil pour adultes. C'est des belles couleurs, je trouve. Donc, rouge, vert et bleu, $49.95 chez Leatherman pour quelques dollars de moins sur Amazon, comme toujours. Quand vous êtes à la maison et que quelqu'un cogne à la porte, vous avez envie de tout le temps regarder par le petit trou, vous le faites et c'est vraiment le fun. Mais si la personne qui est à l'extérieur veut regarder à l'intérieur, elle est mal prise. En même temps, c'est un peu le but, hein? Donc, vous pourriez regarder les éventuelles, peut-être, menaces qui se retrouvent à l'intérieur de votre propre appartement. C'est comme ça qu'on nous l'apporte dans l'article pour nous dire que vous avez le droit de regarder chez vous s'il y a quelqu'un avant d'entrer, tu sais. Hein? Des fois qu'il y aurait un violeur, on sait pas, tu sais. Donc, c'est le Reverse Peephole Viewer. Ça existe, en effet. Vous pouvez placer ça par-dessus le petit trou, l'œil de je me rappelle plus trop quoi en français. Je suis sûr qu'il y a un mot pour ça et je suis sûr que Stéphanie l'aurait su si elle avait été là. Donc, vous êtes capable de regarder à l'intérieur de votre appartement pour savoir dans quoi vous embarquez pour $43.87. C'est des dollars américains, bien sûr. Je suis pas sur le même ordinateur qu'habituellement, donc j'ai pas les dollars canadiens comme je le fais d'habitude, malheureusement. Ensuite, allons-y avec une chaise pour relaxer, mais qui va aussi vous faire faire des exercices. Mettez-vous en forme tout en vous assoyant en position évachée avec une chaise à résistance. C'est donc des exercices de résistance. Ça va vous permettre d'entraîner à peu près chaque partie de votre corps, alors que les ceintures à l'intérieur de la chaise vont vous dire combien de calories vous avez brûlé. C'est environ 1 000 $ pour cette chaise-là. C'est très, très, très, très, très, très cher. Et en plus, ça ne dit pas vraiment comment ça va nous entraîner, mais ça nous dit que ça va le faire quand même. Ensuite, c'est un sensor sans fil qui va barrer votre Mac lorsque vous quittez la pièce. La sécurité, c'est super ennuyant, hein, surtout la propriété de vos gadgets. Le nouveau Sesame 2 Key Fob est une solution de sécurité vraiment pratique pour votre Mac qui est exactement, je dirais complètement ennuyant, mais qui va vous servir à quelque chose. Donc, ça va automatiquement barrer votre ordinateur lorsque vous vous éloignez. Et ça permet les actions personnalisables comme l'authentification à deux facteurs. Ça, c'est quand vous avez besoin de deux appareils pour ouvrir un seul appareil. Donc, votre téléphone cellulaire va agir comme deuxième authentification. Vous avez votre mot de passe. Vous avez aussi votre téléphone qui vous envoie un deuxième code qui est envoyé à votre service. Bref, je l'explique super mal, mais c'est à peu près ça, c'est deux gadgets. Parce que c'est sûr qu'un voleur n'aura pas volé les deux gadgets. Ce dit-on, c'est comme une sûreté de plus. Donc, c'est un petit appareil qui s'attache à votre porte-clés qu'on peut mettre évidemment dans sa poche de monnaie. Et ça va se mettre en paire avec votre Mac via Bluetooth. Ça peut déterminer votre distance physiquement à partir de la machine. Et si vous prenez trop loin de votre Mac, ça peut forcer l'écran à se barrer, demandant donc l'accès par mot de passe pour accéder au bureau. Lorsque vous revenez, ça peut soit débarrer l'ordinateur automatiquement ou encore avoir l'option du Two-Factor Authentication qui va demander le mot de passe système et Sesame 2, le gadget pour débarrer votre ordinateur. Atama a mis sorti sa première Sesame Bluetooth Key l'année passée. Cette nouvelle version-là, la Sesame 2, va être disponible sur le site web de la compagnie qui est basée à Londres pour environ 39$ américains ou dans les Apple Store pour 39$ au Royaume-Uni. Donc la distance qui peut barrer votre ordinateur est un peu personnalisable. On peut choisir entre proche et loin. C'est donc personnalisable en gros. Il n'y a pas de pied ou de mètre à donner là-dedans. Il y a un peu de fluctuation par rapport à la vraie distance, étant donné les conditions dans le vrai monde. Et l'option proche va typiquement barrer votre Mac à 20-25 pieds de distance. En plus de débarrer votre écran, votre ordinateur, le Sesame 2 vous laisse aussi partir une action par Apple Script lorsque nécessaire. Donc, par exemple, si vous voulez, vous pouvez faire pause sur Spotify quand vous quittez votre ordinateur et refaire play quand vous êtes de retour. Vous pouvez aussi ajuster votre message de statut sur un chat ou sur Facebook pour dire que vous n'êtes pas là. C'est quand même vraiment bien fait. C'est le Sesame 2. Il y a plein d'autres renseignements sur les fonctionnalités sur assemblagerequis.com. J'aime partager, étant donné qu'on est seul, par suite de transparence. Je suis sur un ordinateur avec Windows 8 en ce moment et Colin, qu'il y a des pop-up là-dessus. Hein. Ça arrête jamais les pop-up. Oh, crime, ça fait des flashs à l'écran, genre ta batterie est à 14%. Après ça, ça va. Puis ça prend tout l'écran avec une grande bande bleue. Puis après ça, t'arrives une minute plus tard, puis ta batterie est à 11%. Ouais, ben j'ai compris. Tu peux me le dire à des chiffrons aussi, ça serait un petit peu plus joli. Je voulais chialer. Je sais qu'il y en a qui me comprennent là-dedans, qui ont acheté un ordinateur Windows 8 puis qui s'en veulent vraiment beaucoup. On reste dans les clés USB avec une clé USB très très sécuritaire, encryptée complètement, c'est par Toshiba. Toshiba Encrypted USB Flash Drive. La première règle lorsqu'on protège ses données sensibles, c'est de ne pas permettre à quelqu'un de mettre ta clé USB entre ses mains. Voilà. Et si elle finit entre les mains de quelqu'un d'autre, bien évidemment, là on peut plus rien faire. Les jeux sont faits, rien ne va plus. À moins d'avoir d'avoir acheté cette clé avec encryption AES 256 bits CBC Hardware Encryption avec la Toshiba Encrypted USB Flash Drive de qualité militaire. C'est une clé USB 2.0. On n'est pas encore rendu à l'époque des années récentes à avoir du USB 3.0, malheureusement. Avec un mini clavier pour entrer votre code de sûreté, votre NIP, pour débarrer le lecteur avant de le brancher, permettant donc l'accès au contenu qu'il y a dessus. Un lecteur qui va automatiquement se barrer sans crypter lorsqu'on l'enlève, lorsqu'on le débranche. Il y a aussi, dans le fond, son extérieur est résistant à l'eau et à la poussière. Et il y a aussi le Brute Force Hack Defense Mechanism qui va complètement oblitérer les données après 10 essais ratés d'y accéder. Donc, si on ne fait pas le NIP correctement pendant, dans le fond, 10 fois de suite, ça va détruire les données dessus. C'est disponible en version 4G jusqu'à 32G sur Amazon entre 60 et 165$ américains. Ensuite... les problèmes de signaux, vous avez ça sûrement sur votre téléphone cellulaire, ça arrive, hein? Et il y a maintenant un nouvel étui de iPhone ou autre appareil pour corriger le problème. C'est le Smart... Non, ça n'a absolument pas rapport. Donc c'est le Smart Spray Case, c'est un étui pour téléphone cellulaire avec une bouteille de spray à l'arrière. L'étui a une petite vessie qu'on peut remplir avec un petit gadget pour faire entrer l'eau dedans. N'importe quel liquide peut aller à l'intérieur et une fois qu'on l'a refermé, on appuie sur le bouton pour envoyer du spray. Donc la grande question est, qu'est-ce qu'on aurait besoin de mettre dans son étui? Bien, il y a plein de choses. Ça pourrait être du parfum, ça pourrait être de la lotion solaire, ça pourrait être de la crème pour les mains, ça pourrait être du désinfectant pour les mains, du spray pour la laine. Ça pourrait être à peu près n'importe quoi qu'on a besoin de s'envoyer ou d'envoyer en quelque part rapidement. Il pourrait y avoir du nettoyeur à fenêtre aussi. Évidemment, vous pouvez après ça enlever la bouteille et peut-être envoyer du spray sur votre écran de téléphone pour le nettoyer. Ça pourrait être ça, mais ça devient un petit peu compliqué de tout. Et en même temps, il faut vraiment que tu sois très obsédé par la propreté pour traîner ta bouteille de spray. Tu sais, même moi, je suis fanatique de propreté, mais ma bouteille de spray est chez nous, puis je lave mon iPhone la fin de semaine quand j'ai le temps. Je veux pas être là dans la vraie vie, puis enlever mon case, puis prendre ma bouteille de spray. Mais je vous juge pas si vous le faites, absolument pas. Je trouve juste que vous êtes peut-être un petit peu extrême, mais tu sais, ça arrive. Donc, design, on dit moderne. Ne va pas trop loin à l'arrière du téléphone, donc ça fait pas trop une grosse bombe. C'est pas trop bombé avec le liquide, bien sûr, qu'on met dans l'étui. Et c'est ça. Donc, ça fonctionne pour l'iPhone 5 et 5S en ce moment, mais il va y avoir d'autres modèles. Évidemment, pour l'iPhone 6 ou les iPhones plus récents. Si c'est un succès, c'est le Smart Spray. Voilà. OK, ce que j'ai dit tantôt, la solution à vos problèmes de signaux, là, c'est une bannière publicitaire inclue dans le post. Le titre est Phone Case with Built-in Spray Bottle. Hein? Tu sais, quand sur mon ordinateur, je cache les pubs, sur celui-là, apparemment que non. J'aime aussi le fait que les PC sur Windows 8 ont imité les Mac, et maintenant, tu scrolles par en bas pour aller en haut, puis tu scrolles par en haut pour aller en bas, ce que je trouve, c'est comme super pas logique dans ma tête. C'est comme la méthode iPad. J'ai jamais aimé ça. En tout cas. Ça, pour en revenir à un dernier pour ce bloc-ci, c'est le Car Headrest Hanger. C'est des petits supports qui vont à l'arrière de vos sièges de voiture. Tu sais, les sièges pour s'accoter la tête et bon, quand même assez simple. C'est des petits crochets qui se branchent après les tuyaux de métal qu'il y a en dessous de votre... Et ça, c'est comment ça s'appelle ça? Comment on appelle ça? Le headrest, là, le truc pour mettre sa tête. Et après ça, il y a un bâton de métal et des crochets sont attachés au bout. C'est quand même vraiment beau, dans le sens que ça a pas l'air d'avoir été... Ça n'a pas l'air d'un gadget cheap que tu as acheté pour 15,28$ qui est le prix en tant que tel. Donc assurez-vous que l'intérieur de votre véhicule soit aussi propre que son extérieur en pouvant mettre vos sacoches, sacs et autres trucs attachés après ces crochets-là. Donc c'est les Car Headrest Hangers. Voilà. Ça, c'était pas tellement un gadget. Ça finit plate un peu. Mais c'est pas grave, on a une autre chronique à 6, mais ça ne devrait pas avoir là tantôt. On en fait plusieurs autres d'ici la fin de l'émission parce qu'on va faire pas mal juste ça. On vide l'arrière-boutique de toutes... de tous nos gadgets à retrouver sur internet. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On prend une pause. Au retour, plus de gadgets inutiles et de la musique à Assemblage Requis. Restez là. Hey. Fou de musique en marge. C'est fou, 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Il est 8h02 en ce mercredi 22 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis va être de retour demain. On fait aujourd'hui une émission spéciale où on vide l'arrière-boutique. On se la vente, fin de session, tout doit partir. Et on est en train de faire du gadget inutile. C'est ce qu'on va faire pour encore 3 blocs, mais avançant en musique francophone. On s'en va entendre une autre nouvelle entrée du palmarès franco. Voici Richelieu avec Tu quittes. 89 FM, c'est fou. Vous autres, ben quittez pas, là, hein? Normal, elle voudra montrer les diapos de mon père. passé, qu'elle fera projeter sur un mur blanc cassé. Et tu comprendras que j'ai les mains sales. Oui, j'ai les mains sales, j'ai les mains sales. C'était Richelieu, la pièce Tu quittes, un simple de cette formation. On en prendra plus à leur sujet lors de la prochaine édition des Palmarès C'est Fou. Ça, c'est tout à l'heure en après-midi à 15h. Ici même assez fou. Ah, mais non, on continue avec une deuxième partie, une autre pointe de Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Oui, on continue à vider l'arrière-boutique de gadgets inutiles à trouver sur Internet et commençons avec de l'eau aux fruits sur la route. Vous avez certainement déjà vu ces bouteilles-là pour faire de l'eau fruitée. Ça existe, j'en ai vu. Mais dans ce cas-ci, c'est pour la faire sur la route, vraiment, quand vous êtes, vous avez l'envie vous prend d'avoir de l'eau fruitée et que vous trouvez des fruits comme ça, ça peut arriver. Donc, si vous essayez de boire plus d'eau, en tout cas, moi, c'est mon cas. Je trouve ça vraiment ennuyant de boire de l'eau tout le temps. Par moment, je passe par des phases où je bois tout le temps l'eau. Je trouve ça vraiment cool. Puis, à un moment donné, je me tanne. Je frappe un mur. C'est trop d'eau pour moi. Et j'aime beaucoup les eaux fruitées. Ça vient un petit peu changer le mal de place. Par exemple, il y a aussi des petits sprays, les petits trucs en push qu'on peut mettre du thé glacé. C'est super bon. J'aime ça. Mais ça, c'est rempli de mauvaises affaires, d'aspartame et d'autres trucs comme ça. Donc, les faire maison, ça pourrait être un petit peu mieux. Donc, c'est le Basili Infuser Water Bottle. Grandeur parfaite pour être transportée, aussi parfaite pour mettre dans le porte-verre de la voiture, avec une colonne d'infusion qu'on remplit de fruits frais ou de légumes de votre choix et d'eau délicieuse. Donc c'est une bouteille de 28 onces. C'est fait de plastique Commercial Grade Titan Plus, qui est sans BPA. Ça va aussi au lave-vaisselle pour être facile à nettoyer. Et la bouteille vient avec un livre de recettes pour débuter avec votre infusion d'eau. La bouteille et couvercle sont en plastique transparent. Vous allez pouvoir donc voir comment l'eau change de couleur. Vous pouvez avoir un couvercle rouge ou bleu sur le dessus de la chambre d'infusion. Tout ça pour seulement 17$ chez Amazon. Moi, en tout cas, elle me tente énormément. Cette bouteille-là, je la trouve vraiment super, super cool. Évidemment, ça dépend de votre préférence de saveur d'eau. Moi, j'aime pas tellement l'eau de Trois-Rivières. Je la fais filtrer par un Brita tout le temps. Je sais que ça a l'air prétentieux de dire ça. Ce l'est peut-être. Mais jamais sans mon filtre Brita. Et comme il n'y a pas ça là-dedans, je suis pas sûr. Peut-être que je devrais avoir deux bouteilles, une pour filtrer l'eau et l'autre pour avoir de l'eau fruitée. Ah, il faut ce qu'il faut des fois dans la vie. Ensuite, c'est un piano qui vous montre exactement comment en jouer. Si vous avez de la difficulté à apprendre un instrument de musique, je sais que c'est mon cas aussi. Quand on n'a pas le bon professeur, ça peut être difficile. Donc, comment apprendre à jouer du clavier? Mais en le faisant soi-même, avec un petit peu d'aide. With a little help from my friends. Donc, c'est l'Illuminating Piano de McCarthy Music, qui est un système intégré. Donc, c'est un logiciel et un système d'apprentissage dans le nuage, donc sur Internet. Le Illuminating Piano, qui est fait pour apprendre le piano facilement pour les gens de tous les âges. Le système inclut un clavier MIDI avec 61 touches complètes, donc de grandeur complète, c'est pas un clavier miniature. Sensible à la vélocité. Donc, par rapport à comment vous appuyez dessus, c'est aussi capable d'être illuminé avec toutes les couleurs possibles. Le logiciel, donc l'application, va être interactive en temps réel. Ça va votre pointage va s'afficher sur un PC ou sur un iPad connecté par Bluetooth ou via USB, alors que les touches du piano vont s'allumer de deux couleurs pour savoir avec quelle main vous devriez appuyer sur quelle note. Les modes, il y en a plusieurs, vont vous permettre d'apprendre en jouant. Il y a même un mode assisté qui peut être fait pour jouer une main ou l'autre pendant que vous vous concentrez à apprendre les notes sur l'autre main. Donc, par exemple, votre clavier pourrait jouer les notes de la main gauche tout seul et votre main droite, ce serait celle-là qui apprendrait à jouer pour l'instant. Après ça, on fera la main gauche, après ça, on les mettrait les deux ensemble. C'était vraiment une très bonne idée, je trouve. Donc, c'est basé dans le nuage, comme je disais tantôt. Donc, il y a une bibliothèque de chansons Il y a plus de 1000 pièces populaires, évidemment, qui sont à environ 4$ par pièce. Évidemment, eux, ils doivent travailler là-dessus, donc ils peuvent charger un petit peu plus cher que 1,29$ par chanson sur les autres services. Donc, l'Illuminating Piano par McCarthy Music coûte 500$. C'est disponible chez McCarthypiano.com. Oui, c'est assez cher. Je sais pas si c'est plus cher qu'un professeur de piano, par contre. Ensuite, c'est quand même cool, ça. Un effet cool. Ouais, c'est quand même spécial. C'est une lumière pour votre chambre. Une lumière pour voir où vous marchez dans la nuit. Sauf qu'à la place, ça donne l'impression que c'est un coin du mur qui a été retroussé comme un coin de page. C'est le Peel Wall Light par YOY. J'ai aucune idée. Donc, c'est quand même une façon originale d'illuminer une pièce. C'est une lampe qui entre dans le coin de votre mur et ça donne l'impression qu'une page qui a été un petit peu tirée, un petit peu comme si on retirait un autocollant ou une tapisserie, quelque chose comme ça. Et la lumière sort du mur et le câble est discrètement caché dans le coin pour ne pas faire paraître la supercherie. Donc, le coin fait vraiment. Le fil fait le coin, finalement, de votre mur jusqu'au plafond. C'est super beau. C'est le Peel Wall Light. Voilà. Ensuite, c'est pour faire du bruit, tiens, des gadgets qui font du bruit, on aime ça, c'est fun, les enfants aiment ça. Les fans de Lego et de Super Mario, ce qui est mon cas, Super Mario, vous le savez si vous me connaissez moindrement, j'en parle tout le temps. Donc, c'est les Baron Von Brunx, c'est les Noisemakers de Super Mario. Ce que c'est, en gros, c'est des champignons, des étoiles de Mario en Lego. Et c'est fabriqué à partir de circuits électroniques à l'intérieur, donc ça peut s'allumer, s'illuminer, et jouer de la musique des très classiques franchises de Nintendo. C'est même fait pour que les lumières LED clignotent en séquence avec synchronisées avec la musique, finalement. Vous pouvez les voir en action. Je ne les ferai pas jouer en onde. Malheureusement, je pense pas avoir le temps de le faire. Mais donc, vous pouvez les voir dans les petits vidéoclips sur assemblagerequis.com. Ça dit qu'on peut les construire soi-même si on se sent particulièrement aventurier. Baron a posté les instructions pour l'Invincibility Starman et les Mushrooms. Sur Instructables, je crois avoir finalement le temps pour me rendre. Oui, j'ai assez parlé pour aller écouter cette vidéo-là. On va juste voir si ça sonne vraiment comme les vrais sons dans les vrais Mario. Moi, ça m'intrigue, tout ça. Hop, j'ai appuyé sur les deux en même temps. C'est-tu ça? Oui. Ah, tiens. Oh! Faire ça. La plume entre, c'était pas un vrai son. Ça a été ajouté dans la vidéo, ça. Ça, c'est un faux son. Ça, c'est la machine. C'est cool, hein? Wow. Tu me donnes des fausses impressions en faisant des bruits entre les affaires. Tu me donnes l'impression que le gadget va sonner comme ça. Et ce n'est pas le cas du tout. Ouais, c'est cool. C'est un peu c'est en bas d'un 8 bits, ça. C'est pas mal une bit, je trouve. Ensuite, pour obtenir... Parlant de bits, on change de fétiche complètement avec un jouet sexuel. C'est le Vajinkle qui combine le sexe et une cheville. Pour ceux qui ont un fétiche de cheville, je trouve ça un petit peu inconfortable comme fétiche, mais bon. Ça coûte 175$, c'est le Vajinkle qui vient du manufacturier de poupées sexuelles, les Synthetics. C'est un pied en silicone avec, oui, un JJ au bout de la cheville. Donc, à la place d'avoir la jambe en haut de la cheville, en haut du... c'est ça, un JJ. Hein? Si ça peut vous faire plaisir, ça existe. 175$ américains. Wow. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des petits blocs à la Lego. Les gens diraient que ça ressemble à des blocs Lego. Ça, moi, je trouve pas que ça ressemble du tout, mais c'est dans le même principe d'assemblage de choses, un peu comme les Kinex et d'autres Mega Blocks. Voilà, c'est ça, Mega Blocks. Ici, par contre, c'est beaucoup plus petit. C'est des jouets de construction modulaire minuscules. C'est super varié. Ça permet de faire des bâtisses ou des trucs, des constructions beaucoup plus évoluées. Pas beaucoup plus, mais encore plus évoluées. C'est moins péjoratif dit comme ça. Ça peut être assez intimidant parce que les blocs sont vraiment très, très petits. Donc, les fabricants de pin blocks ont trouvé une solution assez facile. C'est d'avoir seulement un type de bloc. Hein? Donc, à part pour leur couleur, les blocs pin blocks sont tous pareils. Chaque morceau a deux pins. Ça ressemble un petit peu à des prises électriques européennes. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu plus plat, avec juste deux espèces de tiges cylindriques dessus. Donc, c'est ça, deux pins qui fitent les unes dans les autres. En fait, tu peux les faire entrer dans un ou deux des une ou deux des tiges, mettons, on va dire des tiges en français, ça vous va ça? Donc c'est flexible et ça peut être tourné sur soi-même. C'est assez petit pour faire des petits détails et assez gros pour construire de vrais modèles assez facilement. C'est fait de plastique ABS durable. La longueur des pins, j'avais trouvé le nom tantôt, des tiges, voilà, est faite exactement pour être parfaite pour fitter dans le prochain bloc. Les surfaces plates permettent l'empilage pour faire, encore une fois, peut-être des designs particuliers. Et le bout est rond pour permettre la rotation de vos modèles. Ça ressemble vraiment à une prise de courant européenne, pour vrai. Donc, les pins, comme je disais, sont cylindriques. Et puis, d'autres détails, il n'y en a pas vraiment. Donc, c'est c'est 5$ américains sur Kickstarter pour avoir une boîte échantillon de pinblock comme récompense sur Kickstarter en ce moment. Allons voir, on est rendu à combien? Est-ce qu'on montre ça? 419 personnes ont misé ou ont donné 18 573$ pour aider à amener ce projet à la vie. Donc, c'est un choix des éditeurs chez Kickstarter. Ensuite, c'est une douche qui utilise l'eau qui descend dans vos tuyaux pour vous nettoyer. Ça a l'air un peu bizarre comme ça. On est tous restés dans la douche et évidemment, les choses finissent dans le drain. Et on regarde ça et on se dit, crime, quel gaspillage d'eau. Ça arrive, quelqu'un qui a des longs cheveux, il y en a plein qui se ramassent là-dedans. C'est super le fun. Donc, avec cette image en tête, la douche du futur va capturer l'eau qui va descendre dans le drain et va la resquirter sur vous pour économiser de l'eau. C'est la douche Water Recycling Shower, design de Orbital Systems en coopération avec la NASA. Donc, avant de penser à... Il peut y avoir de vieux poils, de vieux cheveux sur vous. Le système filtre l'eau avant de la ramener dans votre visage. Et en fait, la douche utilise une paire de cartouches qui vont filtrer les particules dans l'eau pour que l'eau, en fait, l'eau qui va être filtrée va être, en fait, plus propre que l'eau qui va avoir sorti de votre robinet à la base. Hein? C'est pas génial, ça? Les cartouches vont devoir être remplacées avec une micro-capsule qui va coûter environ 25$ américains. C'est bon pour nettoyer environ 7900 gallons d'eau. Les nano-capsules vont coûter 100$ et vont pouvoir nettoyer environ 26 000 gallons d'eau. Et la douche elle-même va coûter 4000$ américains avec le modèle intégré dans le plancher qui va coûter 4000$ pour le modèle intégré dans le plancher et 5000$ pour un modèle cabinet, donc la douche complète avec la place dans laquelle tu embarques. Le fabricant dit qu'on va économiser environ 90% de l'eau et 80% de l'énergie qu'on utiliserait normalement dans une douche. On ne peut pas chialer contre ça. Surtout avec des problèmes de sécheresse en ce moment en Californie, entre autres, aux États-Unis, ça pourrait être très, très, très populaire. Ensuite, c'est un foulard tricoté à partir de gummy worms. Un foulard qui va vous garder peut-être au chaud, en tout cas pas tant que ça. Sûrement, ça va être plus pour le printemps, ce genre de choses-là. Et en plus, le printemps est période parfaite pour manger des verres de jujube. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Vous allez porter votre foulard, vous allez vous réchauffer, vous allez ensuite manger, avoir froid et en acheter un autre. Ça va être le cycle sans fin. Donc, c'est l'utilisateur de Twitter, Overtime Queen, qui a fabriqué ce très joli foulard mangeable. Et vous pouvez en fabriquer un vous-même en suivant ses bonnes instructions. Ça lui a pris 15 paquets de gummy candies pour avoir environ 50 pouces de long de foulard. Voilà. Et à la place d'utiliser des aiguilles de tricot, elle utilisait des chopsticks, des bâtons pour manger. Voilà. Donc elle a fait ça elle-même avec des gummy worms à saveur de liqueur aux agrumes et des liqueurs au cola, donc brun, liqueur brune, liqueur blanche, pour avoir ses saveurs préférées sur son foulard. Lorsque terminé, ça a fait environ 10 par 6 pouces, le foulard. Elle avait 50 pouces de long de jujube, je crois. 50 pieds, pardon. 10 par 6 pieds, oui, pour le foulard. Donc, quand même, c'est un petit foulard. Voilà. Un accessoire délicieux. En même temps, assez joli. C'est très réussi. Ensuite, on parle de Legend of Zelda avec une bague de fiançailles en rubis. Rupee, comment t'appelles ça dans le jeu de Zelda, dans le jeu vidéo, c'est pas de la vraie monnaie, des rupies. Bref. Pour demander en mariage, c'est le vendeur sur Etsy, Zachariah Cruz, qui intelligemment a réussi à faire une boîte où on pouvait faire flotter une rupie à l'intérieur pour avoir l'impression que ça flotte dans les airs. La boîte a des lumières à l'intérieur qui vont jouer le petit son particulier à Zelda lorsqu'on l'ouvre. On ne sait pas dans quel jeu il l'a pris parce qu'on n'a pas l'extrait sonore, mais c'est ce qu'il nous dit que ça fait. On peut commander cette boîte-là et la bague sur la boutique Etsy de Zacharian pour 200$ américains. Il vend aussi juste la boîte pour 50$, mais là, tant qu'elle l'a acheté, aussi bien acheter l'ensemble au complet. Maintenant, des Nerf Rival Blasters qui peuvent tirer des boules de mousse jusqu'à 70 000 à l'heure. Vous connaissez la compagnie Nerf? Oui, oui. Donc, le Nerf Rival, c'est une nouvelle ligne, en fait, de jouets du Toy Fair 2015 à New York récemment, qui va mettre donc en vedette des blasters qui peuvent tirer des boules de mousse à 70 000 à l'heure, comme j'ai dit. La ligne inclut deux différents blasters et bien sûr des masques pour se protéger le visage. Le Nerf Rival Zeus MXV 1200 pour 50$ va tirer 12 rondes. Et le Nerf Rival Apollo XV 700 pour 25$ va tirer seulement 7 rondes, mais le fusil plus petit. Vous allez pouvoir être plus furtif en surveillant votre ennemi juré. Les masques pour le visage vont se vendre 15$ chaque. Il va y avoir aussi des clips additionnels, donc des cartouches de balles pour ne jamais manquer de munitions. Pour vrai, ça a l'air assez intéressant pour les jeunes qui voudraient se tirer dessus. Donc, moi, j'approuve. Ce genre de choses-là, c'est le fun. C'est pas mal moins dangereux que les BB Guns. Donc la série Nerf Rival Blasters. Ensuite, enveloppez-vous dans une serviette très très chaude après la douche. Ah, je peux pas croire que ça existait. En tout cas, que j'avais pas vu ça avant. C'est tellement mon genre de choses, ça. Tu sais, quand vous sortez de la douche, la serviette qui vient d'être sortie de la sécheuse récemment, tu sais, vous vous dépêchez, vous avez fait votre lavage, vous avez séché votre serviette, vous prenez votre douche rapidement pour avoir la serviette chaude, chaude, chaude, chaude. Ou si vous avez donné à vivre dans un appartement ou une maison, vous avez votre sécheuse directement à la sortie de la douche, vous sortez la couverte. Ah, que c'est le bonheur! Ça, une robe de chambre, c'est un peu la suite à avoir. C'est tellement le fun. Et c'est, donc, le Towel Warmer. C'est simple, de Brookstone, qui vous permet de réchauffer jusqu'à deux très grandes serviettes de 40 par 70 pouces. Donc, les vrais, là, y a un mot pour ça, les couvertures de douche. Il y a comme un mot particulier pour les très, très grandes couvertures barre oblique serviette. Ou même votre robe de chambre peut entrer là-dedans. Évidemment, c'est soit deux serviettes, soit la robe de chambre, pas la serviette et la robe de chambre. Donc, ça peut chauffer jusqu'à 120 degrés Fahrenheit. Fahrenheit? 120 degrés Fahrenheit? Je suis pas sûr de ce que j'avance. 120 degrés en 10 minutes seulement. Ça utilise un élément chauffant, donc avec du silicone, super sécuritaire. Ça a une fonctionnalité d'auto-extinction pour être encore plus sécuritaire. On peut aussi faire réchauffer ses mitaines, son foulard et son chapeau avant de sortir dehors, ou encore une couverture pour le divan, par exemple, pour quand on veut regarder la télé. Donc, c'est le Towel Warmer. Pour vrai, là? 90$, c'est un des gadgets que je préfère depuis le début de cette chronique-là. Je trouve ça absolument génial. 90$ chez Brookstone. J'en veux vraiment, vraiment beaucoup un. C'est dit. Est-ce que je l'ai dit? Je l'ai dit. Ensuite, ça, c'est vraiment, vraiment bien. C'est super beau. En fait, ça servira pas à grand-chose, mais c'est une ampoule ampoule normale, là, de vitre, mais beaucoup plus grosse et en forme de lampe. Hein? Donc, c'est super rétro. Ça s'appelle la Edison Light Bulb Floor Lamp. C'est en forme de grande ampoule incandescente avec des filaments qui vont briller à l'intérieur de la vitre pour vraiment encore plus donner un aspect véritable et réaliste. Ça fonctionne avec des ampoules de 60 watts normales, mais si on visse à la place de lumière LED plus moderne, ça va soudainement devenir plus intéressant encore. C'est disponible avec l'effet, dans le fond, l'effet de lumière. Disponible soit en chrome brossé ou en cuivre brossé. Pour la base, là, il y a une espèce de cylindre, un tuyau, si on veut, il y a une base qui va par terre. Et c'est disponible aussi en tant que lampe pour la table à la place. Et sur le dessus, c'est ça, ça ressemble à une ampoule et c'est vraiment mignon, je trouve. Ensuite, c'est le Urinal Splashback Danger Meter. Ah oui, vous êtes en danger. C'est un problème assez commun dans les salles de bain pour hommes particulièrement. Donc, c'est le splashback. Quand on va aux urinoirs, on va pas nécessairement prendre le bon angle. Et des fois, le pipi va splasher et va se ramasser un petit peu partout. Combiné avec, évidemment, les gens qui ne savent pas viser ou ceux qui veulent pas se tenir le zouizoui ou ceux qui veulent être très, très loin de l'urinoir pour pas attraper des microbes de d'autres. À la place, ils préfèrent splasher leur pipi et leurs microbes partout. Bref, que voulez-vous, le splashback, ça cause des problèmes dans les urinoirs, ça cause une zone de danger. Ou même une petite flaque de pipi. C'est collant, c'est dégueulasse. Chez Instructables, on suggérait que le problème pouvait être résolu avec un petit peu de pression des autres, encourageant les hommes à se mettre un petit peu plus près de l'urinoir pour pouvoir mieux viser. Et donc, cette pression des pairs peut être appliquée à un gadget fabriqué par soi-même, un DIY, le Urinal Splash Danger Meter. Hein? Avec une solution complexe, beaucoup trop technique à des problèmes simples de la vie. C'est toujours ce que l'on préfère. Donc, avec c'est donc un meter, un petit, je sais même pas comment dire ça, pas un minuteur, mais un petit gadget, bref, qui va vous faire vous rapprocher de votre urinoir. C'est simplement un panneau solaire avec un meter analogique, donc plus vous êtes près de ce panneau solaire, moins la lumière va frapper et moins le danger va être élevé. Plus vous vous éloignez, plus la lumière va frapper le panneau solaire et plus vous allez être en danger de créer du splashback. Donc, on a des instructions pour fabriquer votre propre splashometer. Vous allez avoir besoin d'une feuille d'acrylique noire, d'un amètre, galvanomètre analogue de 50 microampères, un petit panneau solaire et un dual lock de 3M. Et donc, après avoir installé ça, en suivant les instructions, ça va vous donner un petit splashometer. C'est magnifique. Le lien, évidemment, pour créer ça est sur assemblagerequis.com dans l'émission d'aujourd'hui. Tiens, je le dis jamais assez, mais ceux qui cherchent les liens, des fois, je devrais vraiment le dire à chaque chronique, c'est mon erreur de ne pas l'avoir fait avant. Mais c'est dans les notes de l'émission numéro 848. Hein? Cherchez sur assemblagerequis.com avec le numéro d'émission quand on passe en reprise, c'est un petit peu plus facile. Ensuite, on a parlé de splashometer pour s'assurer de ne pas avoir de pipi partout sur les jambes. Pourquoi ne pas vérifier si votre nourriture n'a pas du crachat à l'intérieur? C'est le Food Spit Scanner Device, parce que quelqu'un peut être craché dans votre nourriture. Évidemment, si vous avez quelqu'un qui vous sert au restaurant et que vous êtes impoli avec lui, peut-être que quelqu'un va se fâcher et va cracher dans votre burger. Ça arrive. Et vous avez des raisons de vous en faire par moment. Donc, c'est le Saliva Scanner, l'appareil qui va scanner votre nourriture pour les traces de salive. On ramasse présentement de l'argent sur Kickstarter. Les créateurs n'ont pas tellement donné de détails sur la technologie et la science derrière le scanner. Donc, c'est pour ça probablement qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de gens qui ont mis de l'argent dessus, mais quand même, le concept pourrait être intéressant et définitivement va calmer un des plus grands problèmes du premier monde, c'est-à-dire le monde des gens qui sont capables de s'acheter des gadgets aussi inutiles. Ah, celui-là, un autre gadget qui m'intéresse pas mal en tant que personne qui aime ça vegger un peu, aime ça chiller dans la vie, tu sais. C'est le fun. Et quand t'es au bureau, ben, tu peux pas chiller parce que ta chaise est pas confortable, tu sais. Si je prends ici mon au bureau, la chaise est beaucoup trop basse ou beaucoup trop haute, faut que je me croise les jambes, on en parle souvent, on n'est pas dans une bonne position pour se tenir assis, et c'est normal d'avoir des problèmes d'épaule et de dos. Très normal quand tu travailles ici depuis longtemps. Donc le Heated Footrest Hammock, c'est un hamac pour vos pieds qui va en dessous de votre bureau. Donc le confort maximal pendant votre journée au travail, et en plus c'est réchauffé, c'est fait de tissu très très doux, les pieds se mettent là-dessus facilement avec une chaufferette intégrée qui va s'assurer de rester vraiment au chaud en tout temps, même si vous avez un problème de chauffage comme ça arrive les jours de congé ici. $30 américains sur assemblagerequis.com. Voilà, on s'est rendu à travers, on a passé à travers d'un autre bloc de 15 gadgets. On va en faire encore une autre trentaine si la fin de l'émission, parce qu'on ne fait que du gadget aujourd'hui. On vide l'arrière-boutique pour essayer d'avoir le moins de restants possible lorsqu'on terminera la session la semaine prochaine. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On continue en musique, on va entendre une autre nouvelle entrée, et cette fois-ci du côté anglophone, c'est Orange O'Clock, et voici Can't Fight the Feeling sur C'est Fou, dans vos oreilles, 89 FM. Nothing comes of nothing, yeah, nothing. I'm breaking through. What are you gonna do? You told me forever, together. Just let the feeling come through. You're really leaving again. Or do you just run out? You're ready leaving again. Or do you just run out? Tell me what's your truth. You gotta stop this. Which way are you turning? Yeah, keep turning. I'm raising the roof. You feel backed into a corner. You told me forever. Together. Just let the feeling come through. You're ready leaving again. the mama, what's it really all about? You can't fight it every time you turn around. Mama, mama, what's it really all about? You can't fight it every time you turn around. Le futur hit de Orange O'Clock, Can't Fight the Feeling. Assemblage requis. Ouh! Au retour, plus de gadgets encore et toujours. Non, ça va être tantôt, plus de gadgets. Plus de gadgets tantôt. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on prend une pause, là. Wow, mais là. Faut bien arrêter quelques instants, les gadgets. J'ai pas de l'argent illimité. Originalité. C'est fou, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Toujours à Assemblage requis, on se mercredi 22 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis va être de retour demain. Espérons-le. Il y aura seulement 5 émissions à part celle d'aujourd'hui. Hein. C'est pas vite ça, 5 émissions avant la fin de la session, avant la fin de la saison donc d'Assemblage requis. Et justement, comme c'est la fin de la session, ben on se dépêche à vider l'arrière-boutique de tout son contenu pour essayer de ne plus avoir rien au début de l'été. Tout va être, on va se débarrasser de tout. C'est comme le ménage du printemps pour nous. On a tellement de sujets en banque. Donc aujourd'hui, on fait du gadget seulement avec ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. On va continuer dans quelques instants avec ça, mais avant, du côté francophone, on s'en va entendre une nouvelle entrée de la semaine passée. Oui, la semaine passée, on retrouvait Violence avec l'invention du divertissement. Et on écoute ça à Assemblage requis sur le 89.1 FM. c'était Violence et l'invention du divertissement sur l'album Le Théâtre EP à Assemblage Rocky. Toujours en train de vider l'arrière-boutique. On continue donc avec une autre partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Existe, ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets inutiles à trouver sur Internet. Qu'on a donc amassé des liens vers des gadgets ridicules. Ça arrête pas à chaque semaine. Je fais le tour de tous les sites de gadgets que je connais. Puis il y en a toujours beaucoup plus que ce que je dois faire dans une chronique de 20 minutes. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait pendant 2 heures aujourd'hui. Commençons avec une veste pesée d'Adidas. C'est un appareil d'exercice, sans avoir à vraiment traîner des appareils d'exercice parce que vous le traînez sur votre corps. C'est 10 livres de poids parfaitement distribués à l'avant et à l'arrière de la poitrine dans une veste élastique avec des contours orange. Quand même, donc on peut mettre le iPhone ou le téléphone, n'importe quoi, votre gadget dans la poche d'en avant. C'est fait pour ça, il est facilement marché pendant jusqu'à 2 heures même, sans même ressentir le poids. La personne dit qu'il est l'article peut suer. Du stamina, de la force. Et tu peux en avoir dans pas mal toutes les circonstances de ces vestes-là. L'Adidas Weighted Vest pour $73 américains sur Amazon. Ensuite, c'est le Fuse Design Nokia. Vous pouvez perdre vos clés avec ça, en fait. C'est un cadenas sans clé. Quand même cool. Donc, c'est une compagnie de l'Utah nommée Fuse Designs qui a fabriqué un cadenas intelligent qui se débarque via une application sur iPhone, Android ou encore Windows Phone avec Bluetooth 4.0. Ça a l'air simple, mais c'est une tâche assez incroyable qu'ils ont réussi à accomplir. Contrairement à votre écouteur Bluetooth ou votre Jambox, votre petit haut-parleur stéréo, qui peut avoir quelques petits hoquets sans vraiment d'avoir de conséquences. Le son va sauter un petit peu, quelque chose comme ça. Mais le cadenas, lui, doit fonctionner en tout temps, à chaque fois. Et c'est le défi qu'ils ont réussi à accomplir. Donc, vous barrez votre cadenas avec votre cadenas bleu, votre... Voyons, ça va tellement mal défiler sur cet ordinateur-là. Attends un peu. J'y arrive. Voilà. Je vais m'habituer, ça. Windows 8, je vais m'habituer. C'est ça. Oui, je disais donc que l'appareil est quand même assez cher à $60, mais devrait être bon pour ceux qui veulent enlever, c'est minimiser le nombre de clés qu'ils ont sur leur porte-clés. Soit par choix ou parce que vous êtes le genre de personne qui perd tout le temps ses clés. Fuse Design dit donc que le padlock, le Nokia, comme dans No Key, comme dans pas de clés, a un design simple, c'est ça qui est important. Ça a l'air d'un cadenas normal avec un devant argenté ou noir et aucune marque évidente. Si vous regardez de plus près, vous allez voir le petit logo de Fuse sur un des côtés avec une petite lumière LED au-dessus du U et deux petites bosses de l'autre côté. Pour utiliser le Nokia, il faut synchroniser avec le iPhone, votre appareil Android comme j'ai Windows Phone avec Bluetooth 4.0. Installer l'application Nokia, quand même. Chercher le cadenas et synchroniser. Une fois que c'est fait, c'est fait. Vous pouvez maintenant tasser votre téléphone dans votre sacoche, peu importe. Pour débarrer le Nokia, vous avez juste à appuyer sur la portion... anneau de métal de votre cadenas jusqu'à ce que la petite lumière LED à l'avant devienne verte et ensuite on tire parce que c'est mis en synchronicité avec votre téléphone et pour ensuite barrer, vous appuyez sur le cercle de métal jusqu'à ce que la lumière devienne rouge. C'est tout ce qu'on a à faire. En fait, on n'a jamais à appuyer sur aucun bouton sur votre iPhone du tout. C'est vraiment très bien fait. Donc le Nokia, c'est génial. Il y a un backup aussi. On vous demande de programmer une combinaison si jamais votre téléphone manque de batterie ou des trucs comme ça. Vous allez quand même avoir la possibilité d'ouvrir votre cadenas. Il n'y en a pas de stress, il n'y en a pas. Ajoutez un petit peu de charge à votre sac de caméra avec une division spéciale. Tu sais, les sacs de caméra ont tout le temps une petite division avec du velcro sur les côtés pour séparer les lentilles du boîtier ou des trucs comme ça, séparer vos gadgets de votre appareil. Donc, si vous avez un de ces sacs avec une bande de velcro à l'intérieur, vous pouvez remplacer un des diviseurs de velcro avec le Supercharge de Back Divider avec une batterie additionnelle à l'intérieur. Vous allez avoir besoin, donc, vous allez ajouter, pardon, du courant à votre sac sans avoir besoin de rien faire de vraiment plus sans avoir à transporter une batterie de plus dans votre sac. Le divider a deux rangées de velcro pour fitter sur les sacs de 4 ou 7 pouces de profondeur. À l'intérieur du diviseur, il y a une batterie à 3000 mAh qui peut recharger votre téléphone cellulaire ou votre tablette et même certaines caméras ou des appareils, des accessoires de photos. Donc le Supercharge Back Divider qui coûte $39 chez Photo Jojo. Ensuite, allons-y avec... Je vous rappelle que les liens sont sur assemblagerequis.com pour tout ce dont on parle dans ces chroniques-là. C'est une chaufferette qui monte, qui va être montée, oui, sur votre prise de murale, dans le fond, votre prise de courant. Super simple, donc une chaufferette à accrocher sur la prise. Et ça prend vraiment pas beaucoup de place, à peine plus qu'un chargeur de batterie, je dirais. Quoique un petit peu plus profond, mais en termes de hauteur, c'est pas très grand. Donc, une chaufferette qui prend pas beaucoup d'espace. En fait, ça prend aucun espace sur votre plancher, contrairement à bien d'autres chaufferettes. C'est le Wall Outlet Space Heater, qui se monte comme ça dans une prise de courant à trois pattes, donc avec la mise à la terre. Ça va directement contre le mur et ça va charger, ça va chauffer une pièce de 250 pieds carrés, donc jusqu'à 250 pieds carrés. Parfait pour les petites pièces qui n'ont pas de chauffage ou qui manquent de chauffage un peu, comme une salle de bain. Les petits, des fois, il y a des... des vérandas, voilà, qui ne sont pas chauffés. Les salles de lavage, des fois, ou les walk-in, les garde-robes. Donc, c'est à deux vitesses. C'est une chaufferette à deux vitesses qui peut être mise aussi sur votre bureau, par exemple, peut-être au bureau, ou pour discrètement réchauffer une place. Si, mettons, il manque de chauffage, comme je l'ai dit tantôt, et que vos collègues du travail trouvent ça correct, mais vous, non, vous pouvez la mettre directement en dessous de vous et peut-être la mettre au minimum pour vous chauffer juste les pieds. Donc 400 watts avec un thermostat dessus pour pouvoir le mettre exactement à la température que vous voulez, entre 60 et 90 degrés. La plupart des autres chaufferettes vont seulement vous donner un haut et un bas. Donc niveau haut, niveau bas. C'est beaucoup plus précis et beaucoup plus compact que la plupart des chaufferettes. Il y a même un minuteur dessus pour pouvoir lui demander de s'allumer automatiquement, s'assurant que votre pièce soit réchauffée avant votre arrivée. Il y a aussi une extinction automatique pour l'empêcher de surcharger, surchauffer. Et ça mesure 6,5 par 3,75 par 5 pouces de grandeur et ça pèse moins de 2 livres. Donc parfait pour voyager et parfait aussi pour tenir dans votre prise de courant sans tirer sur tout. C'est quand même bien fait. On continue avec une télécommande universelle. C'est pour changer votre appareil mobile en télécommande universelle avec un AT7PM, c'est le nom de l'appareil. Si vous êtes tenté d'avoir une pile de télécommande pour contrôler votre système de cinéma maison et que vous voulez pas vous ruiner en achetant une télécommande universelle Logitech, les Logitech sont super chers, sont super intelligentes, elles sont vraiment bien faites, j'en veux trois, mais c'est vraiment très cher. Donc changez votre téléphone intelligent ou votre tablette en télécommande universelle, donc c'est un 1000 en un si on veut. C'est le AT7PM Intelligent Universal Remote qui va donc se brancher dans la prise audio de votre appareil mobile, votre téléphone entre autres. L'application a une interface, nous dit-on, ergonomique, facile à paramétrer, facile à utiliser. Vous allez chercher vos appareils dans une base de données qui est constamment mise à jour de plus de 9000 modèles, oui, des États-Unis, du Japon, de la Chine et de Taïwan. Contrôlez vos systèmes avec de grands boutons faciles à comprendre dans l'application où vous pouvez brasser votre AT7PM pour ajuster le volume, changer de chaîne ou même allumer ou éteindre le système. Donc c'est une option paramétrable, on a juste à brasser l'appareil pour faire l'option qu'on veut. Le AT7PM qui fonctionne sur iPhone, iPod Touch, iPad, iPad mini et autres avec certains appareils Samsung, HTC aussi de disponibles. Le AT7PM Intelligent Universal Remote coûte 35$ chez Look System, L-O-O-Q. Le lien sur assemblagerequis.com. Ensuite, c'est un sac de couchage portatif. Portatif, comme là, on peut se le porter. C'est le plus portable, je pense, dans ce cas-là. Portable sur sa personne. Donc, c'est un manteau. C'est comme un genre de gros snuggie, mais en sac de couchage super imperméable pour 140$ environ. Pour faire du camping, bien sûr. Et vous avez tous vos mouvements parce que vos bras et vos jambes sont indépendantes. Et ça vous donne un style très, très fluorescent. C'est du jaune fluo, vraiment. Ensuite, un kit qui rend le hackage simple. Ça m'intrigue. Peut-être que vous aussi, ça vous intrigue. On va commencer avec un nouveau gadget do-it-yourself, oui, nommé le Mesh, qui combine les éléments de différents kits de hackage. Vous allez mettre ça en paire avec quelques petits sensors, avec une... Deux petites secondes. Et voilà ça. Oh, le nombre de pubs et de vidéos qui jouent tout seul sur Internet des fois. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, que ça vous permet de faire des expériences avec votre matériel connecté. Donc, pour faire du hacking. Mesh, créé par une petite équipe d'ingénieurs japonais de Sony, veut rendre le hackage de matériel instantanément accessible. C'est trois étiquettes de la grandeur de domino qui vont donc être le matériel nécessaire. Un accéléromètre, un bouton et une lumière LED qui vont communiquer sans fil avec une application sur tablette qui va servir de genre de Quartz Composer, si on veut, donc une interface visuelle pour lier les tags matériels à différentes actions. Par exemple, vous allez pouvoir draguer l'icône pour l'accéléromètre et l'icône pour la l'icône pour la lumière LED dans l'espace de travail. Dessinez un lien entre les deux avec votre doigt et c'est tout. Maintenant, ça va lier, ça va être fonctionnel ensemble. Donc, quand vous allez bouger l'accéléromètre, la lumière LED va s'allumer. Vous comprenez le principe? Vous prenez deux affaires ensemble, vous les mettez ensemble. Deux affaires séparées, les mettez ensemble pour donner une réaction. Donc, pour hacker un peu le système. Peu importe dans la pièce où votre appareil est situé. Si vous bougez le lien de lumière LED vers l'icône courriel et l'accéléromètre va envoyer une note prédéterminée à votre boîte aux lettres, par exemple. Donc, les développeurs de Mesh disent que les utilisations sont pour l'instant un peu stupides, ne servent pas à grand-chose, mais ça pourrait devenir quelque chose éventuellement. Takehiro Agiwara et Shingo Yoshizumi, deux des ingénieurs de chez Sony qui travaillent sur le projet, ont amené un ensemble prototype pour une démonstration et on a pu voir de quoi ça avait l'air. Donc l'idée est de rendre les inventions intuitives. Voilà. Donc ça construit pas de grand-chose de très très complexe pour l'instant. Mais on va suivre le projet. Un kit intelligent, quand même. Ensuite, allons-y avec... Attention... des stylos à billes de Super Mario. Ah oui, on a parlé de Mario tantôt, on a parlé de petites lumières qui faisaient des sons. Ici, c'est pas la même chose du tout. C'est Taito qui sort les Super Mario Big Ballpoint Pens. Chaque ensemble vient avec deux crayons, deux stylos, chacun d'environ 12 pouces de haut, avec un petit Mario ou un petit Luigi sur le dessus. Et quand on tire sur le clip, la figurine sur le dessus va disparaître et réapparaître en bas avec le bout du crayon. Ah ah! Il apparaît, c'est comme s'il rentrait dans son tuyau puis qu'il sortait de l'autre côté. Hein? Donc, Warp Pipe. Vous pouvez aller sur NCIS, le site pour précommander ces crayons-là pour $20 américains. Donc, il y a un bloc de Mario en bas, un tuyau en haut. Et quand tu tires sur le truc, ça fait sortir, dans le fond, Mario descend dans le tuyau et on le retrouve en bas complètement. C'est cool, hein? Voilà. Ensuite... Ensuite, c'est des oreillers. On va rester dans le domaine de Mario un petit peu avec des oreillers avec des graphiques de Game Boy. Pas des oreillers, pardon, c'est des... ça s'appelle Blue Willow, c'est des assiettes. Willow et non Pillow. Donc, Blue Willow Plates, des assiettes avec des graphiques de Game Boy. Oui, voilà, quand on les regarde, on dirait juste des assiettes vintage Blue Willow. Mais non, en les inspectant de plus près, on remarque qu'en fait, ça combine des graphiques des versions Game Boy de Legend of Zelda et de jeux de Pokémon. Hein, ce ne sont pas les assiettes de vos grands-parents. Ça mélange le vieux avec le nouveau. Ça a été fabriqué par un artiste du Royaume-Uni, je crois que c'est Ollie Moss, qui appelle ce style-là 8-bit Willow. Willow pour le style d'assiette qui ressemblait à ça, mais qui avait des petites fleurs à la place. Donc quand même, vous pouvez vous les procurer vous-même en passant par assemblagerequis.com. Une touche du passé dans le présent. Des nouvelles figurines interactives, c'est de Star Wars Legendary. C'est une nouvelle figurine de Yoda dans ce cas-ci, super mystérieuse. C'était à la Toy Fair récemment qu'on a pu apercevoir ses avant-goûts de ces futures figurines-là. On dit qu'on va surveiller ça pour arriver à l'automne 2015. Si vous voulez aller voir l'avant-goût de ces figurines-là Legendary, il faut passer par assemblagerequis.com encore une fois. Ensuite, c'est le Beam Smart Projector qui va se mettre dans les prises de courant. Dans la prise de courant, c'est pas vraiment compliqué. Des projecteurs, de nos jours, c'est assez petit qu'on peut facilement les monter un peu n'importe où. Ici, c'est le Beam Smart Projector qui est une option encore plus pratique parce qu'on peut visser ça pour faire le courant dans des prises de lumière E26 et E27. Donc, le projecteur a un petit côté plat pour pouvoir le laisser à côté sur une surface plate. Mais ce ne sera pas aussi stable que lorsque c'est vissé dans une prise de lumière. Donc, par exemple, vous pouvez prendre votre lampe, tout ce qui est tout à fait normal, votre lampe de bureau, et visser le projecteur à l'intérieur et projeter le projecteur vers où vous voulez. Ça pourrait être aussi une lampe qui est suspendue au plafond. On fait ça et on projette sur une table, par exemple. Donc, ça pourrait faire un paquet d'utilité vraiment, vraiment cool. Vous pourriez projeter votre jeu vidéo virtuel préféré sur votre table. Le fait que c'est une solution assez unique, Beam est basé, un système basé sur Android qui vous permet d'automatiser tout ça avec des if-then, donc s'il arrive telle chose, alors fais ça. Par exemple, il pourrait s'allumer à un certain moment, ouvrir un programme spécifique basé sur la personne qui passe proche avec son appareil mobile et encore plus d'options comme ça. Il n'y a pas de prise HDMI ou de prise USB, donc vous n'allez pas pouvoir faire toutes les choses que vous voulez, mais le projecteur a Bluetooth et Wi-Fi. Et ça va aussi fonctionner avec des applications sur iOS et Android. Beam tombe à plat dans son aspect le plus important, nous dit l'article. Ses lumières LED produisent un respectable 100 lumens. Pour un projecteur Pico, c'est quand même assez, mais ça peut seulement projeter une diffusion de 854 par 480 pixels. Et il y a seulement quelques petits haut-parleurs de 2 watts à l'intérieur. Donc ça pourrait changer d'ici l'envoi du produit. Mais pour l'instant, c'est sur Kickstarter. Et ça devrait pas être le centre de votre système de divertissement, mettons. Vous n'allez pas projeter des films là-dessus. On demande environ 370$ américains sur Kickstarter pour recevoir un Beam Smart Projector comme récompense. Et on devrait pouvoir aller voir combien on est rendu. À combien on est rendu sur Kickstarter? Non. 1973 personnes ont donné 759 000$ pour amener ce projet à la vie. Et donc leur rêve est devenu réalité. Ça a fonctionné, bravo. Ah, maintenant, un crayon qui écrit en chocolat. Ah, c'est le Candy Craft Chocolate Pen de la compagnie Skyrocket Toys qui va sortir à l'automne. Parfait pour Noël, évidemment. Donc, ça sort à l'automne. Ça pourrait être parfait pour Halloween aussi. Le chocolat, c'est bon à l'année longue. Pour environ 30$, ça utilise un moteur électrique qui va, évidemment, rejeter, envoyer du chocolat liquide qui va rapidement devenir solide et prendre la forme de ce que vous venez de dessiner avec du chocolat. C'est simple, hein? Un crayon en chocolat. Non, pas en chocolat, mais qui trace du chocolat. J'en veux. J'aurais même pas... Pour vrai, tu me donnes ça puis je mets le sac dans la bouche, là. Pas le choix, là. Tu sais, je joue avec mon crayon dans la bouche des fois, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que ça compléterait le système. Ensuite... on rappelle qu'on est toujours dans la chronique des gadgets inutiles. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est ce qu'on fait pendant toute l'émission aujourd'hui. Tiens, maintenant, c'est des coussins Tetris. Hein? Relaxez un peu en pensant au puzzle de votre vie avec des coussins Tetris. Super mou, super squishy. C'est super cool. Hein? Donc, c'est un ensemble de coussins Tetris avec les 5 formes les plus connues de différentes couleurs. On peut les fitter ensemble pour faire évidemment un seul grand coussin. Je crois pas, j'ai pas vu de bandes de velcro pour pouvoir les attacher ensemble, ce serait encore plus cool. Des bandes de velcro de tous les côtés, de la même couleur que le tissu. Ce serait cool ça, non? En tout cas, voilà, donc vous pouvez les empiler peut-être en colonne, peut-être faire un Tetris en tant que tel, à l'horizontale. Je sais pas, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça, c'est juste trop bien. 100$ pour l'ensemble de ces 5 coussins-là, je sais, c'est très très cher. Vous avez le cube, vous avez le S, la barre, le L et le T. Comme on appelle communément en Tetris. Et Tetromino. Ça, je trouve ça quand même particulier. C'est quand même cool. C'est une tasse avec un petit rebord pour mieux boire. On a déjà parlé de tasse comme ça avec un petit rebord. C'est-à-dire que la tasse a l'air d'une tasse normale, sauf que d'un côté, t'as une petite plaque de céramique du même matériau que la tasse, avec un petit trou à l'intérieur pour vraiment boire correctement d'un seul côté de votre tasse. C'est vraiment bien. Sauf qu'ici, on a dessiné des moustaches. Hein, grâce à la popularité des choses comme Movember, les moustaches sont partout. Les hommes portent la moustache à l'année longue maintenant parce qu'ils se sont habitués. Je sais pas comment c'est arrivé. Mais donc, la Mustache Cap. Cup, oui, c'est une tasse avec le petit côté, comme je disais, l'indentation pour mieux boire et avec une moustache dessinée dessus pour que vous ayez l'air de porter une moustache. Même si c'est plus vous qui allez voir la moustache parce que la moustache est dessinée sur le dessus de la plaquette. Je sais pas. Pas sûr de celle-là. Ah, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de choses de Mario cette semaine. Je sais pas ce qui m'est arrivé depuis les derniers mois, en fait, qu'on accumule des sujets pour ça existe. Mais c'est des cadres imprimés de tableaux de Mario. Donc, revivez tout ce que Mario a accompli dans sa carrière en décorant votre maison d'imprimés de Super Mario. Idéal pour acheter un petit peu de saveur geek, de look rétro et 8-bits avec ses cadres imprimés personnalisés avec un fini mât. Qui montre pas mât comme dans le mât que vous devez atteindre à la fin du tableau avec le drapeau. C'est drôle, ça. C'est drôle, hein? Donc, 49$ pour célébrer les aventures de cet Italien plombier qui fait rarement de la plomberie sur assemblagerockey.com. Ça aussi, j'en veux. Il y a beaucoup de choses que je veux aujourd'hui. Et finalement, pour séparer vos vêtements propres des vêtements sales, la semaine passée, on a parlé de sac avec le mot couleur, le mot noir et blanc et le mot pour ma mère, pour mettre le lavage que tu vas faire par ta mère. C'est quand même assez simple. Ici, c'est pour le voyage. Tu sais, la semaine passée, des gros paniers de tissu. Donc, le Travel Laundry Kit sac, pardon, Travel Laundry Stuff sac, qui va simplifier la séparation de ce qui est sale et de ce qui est propre dans vos bagages. C'est encore plus intelligent, je trouve. Ça vient de Tom Bean, hein, et c'est donc facile de mettre dans votre sac et votre linge propre, vos vêtements propres, avant de partir en voyage, et ensuite les séparer. C'est disponible en deux grandeurs, 11,8 pouces par 5,5 par 5,5. Ça, c'est le Tom Bin Aeronaut 30 bag. Et le 13x8 par 6.7 par 6.7 pour le Tom Bin Aeronaut 45 bag. C'est fait de Denima Nylon Ultralight Ripstop Fabric, donc du tissu anti-déchirure ultra léger de nylon Denima, qui a été fabriqué juste pour Tom Bin. Il y a aussi deux fermetures à cordes, donc des cordons un peu comme, comme des souliers, un de chaque côté. Et ce qui est important ici, un diviseur flottant. Donc quand vous faites votre, votre sac, vous mettez le fond, le séparateur au fond, vous mettez tous vos vêtements d'un seul côté. Alors que vous commencez à porter les vêtements, vous allez mettre les vêtements sales du côté, de l'autre côté dans le fond du séparateur. Et le séparateur va changer de place pendant que vous mettez vos vêtements. C'est tout ce plus simple en fait. Donc vous allez pouvoir facilement savoir quel côté est propre, quel côté est sale, parce que les cordes sont codées couleur. Donc une corde d'un côté est noire et l'autre est rouge. Et vous allez pouvoir décider quel côté est quel. C'est vous qui allez deviner, genre vous décidez vous-même par votre propre logique qu'est-ce qui est sale. Moi je dirais que noir c'est sale et que rouge c'est let's go. Hein? En même temps rouge pourrait être stop. Oh boy, je suis déjà mêlé, ça commence mal. 40$ pour le plus petit sac et le plus grand coûte 45$, donc pour vrai pour 5$ de différence. C'est le Travel Laundry Stuff Sack chez Tom Bin. Voilà, on s'est rendu. Hey, tantôt on a fait deux blocs de 15, là j'ai fait un bloc de 20. Gadget, c'est quand même pas si pire. Hein. On va continuer tantôt, il nous en reste une dernière demi-heure parce qu'on a fait que ça aujourd'hui. Pour l'instant par contre, on s'en va entendre Dead Cab for Cutie. Voici leur nouvel extrait de la semaine passée, c'est Black Sun. Sur la radio Campus de Trois-Rivières, c'est Fou 89 FM. Around you. within forgiveness, but it's so hard for me to find. How could something so fair be so cruel when this black sun revolves around you? How could something so fair be so cruel when this black sun Death Cab for Cutie, Black Sun, au 81 FM, c'est fou. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, au retour, plus de gadgets inutiles dans Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Mais pour l'instant, c'est l'Info Campus! Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage Requis en ce mercredi matin, c'est vrai mercredi, on est le 22 avril. Moi c'est Mathieu Plante, Stéphanie Paradis va être de retour à l'émission demain. Donc je passe la journée seule, en fait, à l'émission. Vous allez voir tout à l'heure parce que je vais animer le Mathieu Plante show seul et je vais faire les paroles assez fous seul. Je suis un grand garçon. Hein? Aujourd'hui, on vide l'arrière-boutique. C'est la fin de session. On doit tout écouler avant de terminer la session de gadgets inutiles. On va continuer ça tantôt, mais avant ça, étant donné que je suis épuisé d'une heure et demie de gadgets, là, à un moment donné, le portefeuille s'en porte mal. On va se prendre un petit minuscule moment pour relaxer. Voici Grippin de Deux Pouilles en Cavale. Et ben, ben bizarre, celle-là. Pas aussi bizarre que ben gros de nos gadgets. Il y a beaucoup de choses bizarres assez fous. Dont moi. On commence à s'habituer à cette pièce-là. Deux pouilles en cavale avec grippe et assemblage requis. Je le répète encore une fois, ça fait 1000 fois que je le dis aujourd'hui, mais c'est la vente fin de session. Assemblage requis, on doit vider l'arrière-boutique pendant qu'on a encore le temps. Il nous reste seulement 5 émissions après aujourd'hui. Ah! Aujourd'hui, on vide le backstore de Gadget. Voici une dernière fois. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a... Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets ridicules achetés sur Internet. Et oui, quand une session se termine et qu'on en commence une autre, ben c'est bien plate de recommencer sur des bases de paquets de cossins que t'as ramassé depuis le mois de décembre, tu sais. Fait qu'on vide ça. C'est ce qu'on fait. Commençons avec Keyport, qui offre une télécommande universelle pour votre voiture. Étrange un peu, hein, si la télécommande de votre voiture est brisée ou que vous l'avez perdue. Tu sais, des clés super chères avec le gros fob au bout pour barrer les portes, etc. Eh bien, il y a une autre option maintenant. Au lieu d'aller chez votre concessionnaire pour faire remplacer ça, c'est le iKeyless Universal Remote de Keyport, qui fonctionne avec plus de 1000 modèles de véhicules, dont 16 des 20 plus populaires de la part de 20 compagnies majeures d'automobiles. Ça fonctionne pour les modèles produits entre 1997 et 2014, et ça contient le code pour 215 différentes télécommandes. Vous avez besoin d'au moins une clé fonctionnelle pour la mettre en paire avec la télécommande. C'est ça le problème au départ, c'est que ça, c'est dans l'optique que vous allez peut-être la perdre un jour et non pas, vous l'avez déjà perdu, donc vous achetez ça. Il faut la clé de base pour la mettre en paire. Est-ce qu'on se comprend? Des fois, vous allez aussi avoir besoin d'une télécommande fonctionnelle pour faire compléter la paire. Ça pourrait paraître compliqué dit comme ça, mais ce n'est pas tant que ça. Donc, le iKeyless Universal Remote, 49,99 américains chez Keyport. Vous allez trouver une liste complète des voitures qui sont supportées par le iKeyless sur la page de Keyport. Évidemment, avant de l'acheter, peut-être vous renseigner si ça va fonctionner. Le modèle de la personne qui a écrit l'article n'est pas fonctionnel. Donc, faites attention. Ensuite, ça, c'est juste mignon. C'est des sous-verres en forme de face. Pour faire rire vos amis. Peut-être qu'un bar pourrait se permettre ça comme image de marque, serait cool aussi. Donc, c'est littéralement des sous-verres avec une encoche, un petit trou finalement pour mettre votre nez de grandeur normale. La fille de gauche a l'air d'avoir un plus gros nez que la normale, donc ça rentre à peine. Et elle, ça peut tenir sur son nez tellement il est. Dans le bon sens, il n'y a rien de mal avec les gros nez, j'aime ça. Donc, les Face Drink Coasters, 11,50$. Et vous pouvez avoir la face de n'importe qui. Donc, ici, la face de la fille ne fit pas du tout avec la face du monsieur sur le sous-verre parce qu'il y a une grosse moustache et un petit pinch. C'est ça que ça reste. C'est cocasse. Mais pas tant que ça non plus. Cocasse, vous pouvez aussi faire de la coke dessus. J'imagine que ça pourrait être ça. Ensuite, c'est les Electrical Outlet Face Stickers. Parlant de choses totalement inutiles, c'est comment donner de la personnalité à vos prises de courant. Vous avez tous déjà vu les campagnes publicitaires d'Hydro-Québec avec les petits personnages qui bougeaient, qui étaient faits de prises de courant. Et on les voyait parler. Donc maintenant, vous pouvez leur ajouter des cheveux avec une petite boucle dans les cheveux, une petite casquette, une moustache d'Italien. N'importe quoi, tout ce que vous voulez pour 4,95$ pour l'ensemble. Donnez à vos enfants curieux une autre raison de jouer avec les prises de courant. Ouais. C'est fait en vinyle, on place ça par-dessus la prise et ça transforme tout ça en personnage comique. Magnifique. Ensuite, continuons avec Man Crates. C'est l'ensemble cadeau parfait pour l'homme de votre vie. Bon, évidemment, là, l'article est super sexiste. Ça peut être pour n'importe qui dans votre vie, mais c'est à tendance typiquement ou stéréotypiquement, comme j'aime dire, masculine. Parce que dedans, il y a un paquet de trucs vraiment geeks. Et moi, je suis le premier à encourager les geeks filles, évidemment. Donc, il y a des jeux vidéo, des bonbons, nerds. Des Mike and Ike, c'est cool. Une montre de poche. Des ensembles pour se raser. Bon, c'est peut-être un petit peu plus typiquement masculin. Du jerky. Des trucs comme ça. Donc, si vous avez de la difficulté à trouver un cadeau pour l'homme de votre vie, encore une fois, stéréotypiquement masculin, vous pouvez visiter Man Crates pour avoir quelques idées. C'est des ensembles de cadeaux dans des boîtes de bois qui requièrent vraiment une crowbar pour être ouverte. Et si vous n'avez pas de crowbar, ils en fournissent une! C'est pas génial s'ils fournissent... Ça, j'adore ça. Une fois qu'on a réussi à trouver son chemin jusqu'à l'intérieur, on va trouver une sélection de cadeaux parfaits. Donc, les Man Crates, des cadeaux qui vont faire plaisir aux gamers old school, aux amateurs de bière et de whisky, aux joueurs de poker, aux personnes qui se rasent avec une pioche, un rasoir double edge, par exemple. À ceux qui aiment les collations, comme le beef jerky, et même, il y a un ensemble pour les nouveaux parents. Ça dit nouveaux pères, stéréotypiquement, encore une fois. Donc, tel que mentionné, c'est dans une boîte de bois. Et il y a aussi le kit humidor qui vient dans un genre de gros truc de munitions de l'armée. C'est vraiment très, très cool. On dit que les ensembles commencent à 25$ pour l'emballage Jerky Graham, 180$ pour le Zombie Annihilation Crate, ça c'est le maximum. Les Man Crates sont disponibles sur internet, évidemment, au mancrates.com. Donc vous allez avoir tout plein d'opportunités de cadeaux pour le futur. Je crois qu'on peut, si je comprends bien, oui, c'est qu'on peut choisir sa boîte. C'est pas comme d'autres services dont on a parlé dans cette chronique-ci, par exemple les Loot Crate, Loot Crate en passant, elle n'est même pas une crate, c'est juste une boîte de carton. Là, c'est vraiment Man Crate et c'est une crate. C'est tant qu'à taper crate, on sait même mettre des crates, hein? Donc, l'autre Loot Crate, c'est que tu t'abonnes pendant 3 mois ou 6 mois ou 1 an et tu reçois une boîte avec une thématique qui est déterminée à l'avance, mais tu sais pas ce que ça va être, ça va être une surprise. Alors que là, ici, c'est pour faire des cadeaux, donc c'est des boîtes prédéterminées à thématique précise. En ce moment, t'as Jerky and Meat, t'as Personalized, qui veut rien dire, t'as Hot and Spicy pour du piquant, Sport and Hobby, et t'as Zombie Preparedness, donc pour les zombies, et t'as aussi Fun Gifts. C'est vraiment fantastique. Et pas trop cher aussi, étrangement. Ensuite, pour les amateurs de propreté, de choses qui sont bien classées, ça c'est moi. Si vous me connaissez encore une fois moindrement, vous savez que moi c'est Mario, et les choses spécifiquement bien classées. C'est pas tout à fait vrai dans chaque domaine, malheureusement. Si vous ouvrez mes tiroirs de mon bureau, vous allez voir que c'est pas nécessairement le cas pour tout. Des fois, je peux juste aussi 500 tiroirs puis y passer plus tard. Donc, bref, c'est des étiquettes à poser à vos fils de MacBook et à vos écouteurs de produits Apple. Donc, si vous êtes obsédé par l'organisation, ça va être bon pour vous. C'est des buoy tags. Donc, qu'est-ce que c'est les buoy tags? C'est des étiquettes de plastique qui vont se snapper à vos fils. C'est fait pour les produits Apple, spécifiquement, pour la largeur du fil. Donc, les MagSafe pour le MacBook, les écouteurs Apple Earbud, les câbles de chargement USB. Donc, ces petites étiquettes-là vont vous permettre de mettre votre marque sur vos câbles avec vos initiales pour toujours prendre vos écouteurs à la place de celle de votre coloc, par exemple. À la place d'y aller par la serre d'oreille. C'est un peu plus facile avec l'étiquette, trouvez pas. Donc, vous pouvez ajouter votre nom ou n'importe quel autre numéro de téléphone. Un emballage de 3 pour 12$. 3 ensembles de lettres et 3 ensembles de couleurs. Donc, pour ça. C'est l'emballage. Oui, c'est ça. C'est des 3 buoy tags. 3 emballages de lettres et 3 couleurs. Donc, c'est des étiquettes pas écrites à la main. Ça va être des étiquettes pré-écrites pour être encore plus propre. Vous pouvez visiter buoytags.com. Buoy, c'est buoytags.com. Et un ensemble moins cher alternatif, c'est le Dutch Cord ID Pro Cord and Cable Identification System. Vous pouvez en avoir 12 pour 8$ sur Amazon et là, il y a une variété de possibilités de fils. Ça fonctionne avec plus de fils. On reste avec des fils. Si vous voulez charger votre téléphone cellulaire, votre iPhone en particulier, là, vous allez pouvoir demander à quelqu'un « Est-ce que je peux emprunter ton bracelet? » Oui, c'est un bracelet style perle rouge, mais il se défait en fil de branchement Lightning pour iPhone et iPod et iPad. Donc, c'est le Beat Bracelet Micro USB Cable and Beat Bracelet Lightning Cable. C'est donc un bracelet qui est aussi un fil micro USB aussi, une version micro USB. Donc, plus besoin de chercher dans votre sac où est votre câble. Vous allez tout le temps porter votre même bijou à tous les jours. Vous allez devenir la personne qui a un bracelet rouge tout le temps. Évidemment, bon, c'est disponible en d'autres couleurs aussi, rosé, blanc, noir et rouge. Un style qui, encore une fois, est stéréotypiquement féminin, et je réalise que même quand je suis seul en studio, je fais quand même des guillemets dans les airs, et je réalise aussi que je fais des guillemets anglais alors que je devrais faire des guillemets français, parce qu'on est au Québec, donc je vais commencer dorénavant à vous mimer des guillemets français. Donc vous pouvez en porter un quand même si vous êtes un gars. Je ne vous jugerai certainement pas. Donc c'est le Beat Bracelet Micro USB Cable and Beat Bracelet Lightning Cable, 13$ chez Brando. Eh boy. Et puis leur nom là. Ensuite, ça c'est cool. C'est très très cool. C'est les Lilypad Lids. C'est des couvercles de silicone réutilisables, scellés complètement scellés. Donc les emballages plastiques comme du Saran Wrap, c'est un petit peu plate à utiliser, c'est aussi ça fait beaucoup de gaspillage quand vous le jetez. Il y a une alternative maintenant plus versatile, c'est les Lilypad Lids de Charles Viancin. C'est des couvercles de silicone réutilisables en forme de Lilypad. Lilypad, c'est des trucs là, qu'on retrouve dans l'eau, là, genre, je ne sais pas du nom, attends un peu. Nénuphar, ah, même pas besoin de chercher, ah, Nénuphar. Donc ça forme un seau vraiment super scellé. C'est super doux sur les côtés aussi, pas de chance de se couper avec ça, rien. C'est fait, ça peut fonctionner sur du de l'acier inoxydable, jusqu'à de la vitre, jusqu'à du plastique, jusqu'à de la mélamine. Ça se colle à tout. C'est disponible en différentes grandeurs. Ces nénuphars-là qui sont faits pour la plupart des bols, des assiettes, des verres, pour garder votre contenu frais à l'intérieur. Ça va au four, ça va au micro-ondes, ça va au congélateur, ça va au lave-vaisselle. et c'est même parfait aussi pour empêcher le déversement dans votre sauce à spaghetti, c'est les splash, le splatter. Génial pour la nourriture, la cuisson, réchauffer des trucs dans le micro-ondes. Parfait, c'est parfait, sûrement même parfait si vous voulez adopter une grenouille, toi. Lilypad Lids, fantastique. Ensuite, Hasbro nous présente une lignée de lightsaber, des faisceaux lumineux, sabres lumineux, je pense, dépend de la version française. La version française, c'est la version québécoise, je ne faisais pas les mêmes termes, je suis tout le temps mêlé, mais on va dire un sabre lumineux. Ça vous va, ça? Tout le monde est content? Donc, il y a apparemment, me dit-on, un nouveau film de Star Wars qui sort. Peut-être, en avez-vous entendu parler. Et la machine du merchandising est en train de démarrer, elle aussi, à pleine vapeur. Je mélange les analogies là, de vaisseau spatial. Donc, Hasbro a annoncé une ligne de jouets lightsaber qu'on peut personnaliser de plusieurs façons, permettant aux enfants aussi jeunes que vieux de créer leur propre lightsaber, aussi bizarre qu'ils le veulent. Aussi peut-être fatal qu'ils le veulent. Donc, le Jedi Master Lightsaber Set pour les 4 ans et plus. 40 ans et plus. Les 40, deux fois la même erreur. Les 4 ans et plus. $49.99. Ça inclut un lightsaber avec des lumières et des sons électroniques. Une paire de light daggers, des petits genre de pour couteau. Là. Un truc d'expansion et une variété de connecteurs pour pouvoir ajouter des affaires, personnaliser ça. À partir de là, vous allez pouvoir mélanger, mix and match différents gadgets ensemble avec les connecteurs et le lightsaber qui vont aller avec différents personnages. Par exemple, tu vas avoir le Electronic Lightsaber à 20$ qui vient avec Obi-Wan en couleur d'Obi-Wan Kenobi. Tu as Darth Vader et Luke Skywalker aussi. Tu as le lightsaber de mousse à 15$ avec Yoda, Vader et Luke. Et tu as le Extend Lightsaber à 10$ qui offre quelque chose pour Luke, Vader et Anakin Skywalker. Donc la ligne a été montrée au Toy Fair de New York récemment. Ça va être lancé à l'automne, juste à temps pour le lancement du nouveau film en décembre. Donc vous allez pouvoir faire le T qu'on a vu dans la plus récente bande-annonce. Celui avec trois faisceaux en même temps, deux petites les petits daggers qui vont sur le côté, comme je disais, les genres de couteaux, là, et le long milieu. Donc pour faire vraiment les combinaisons de chaque personnage dans les Star Wars. Si vous êtes, en fait, j'allais dire, si vous êtes comme moi, je vais m'expliquer un peu. J'aime pas tellement ça, en général, être un panneau publicitaire pour des choses en lesquelles je ne crois pas. Donc, j'ai pas grand chandail. En fait, j'ai aucun chandail de marque de chandail, t'sais. J'aime pas ça. Tu sais, les Ed Hardy, les Nike, Adidas, peu importe. J'aime les produits que j'aime. Par exemple, le produit en ce moment que je porte est un chandail de Twit. C'est une chaîne de télé sur Internet, et j'aime ça. Je porte des chandails de Mario parce que j'aime Mario, tu sais. Ici, si vous voulez annuler tout ça, c'est un T-shirt avec la marque T-shirt à l'avant. Écrit en la police la plus basic du monde, avec un petit logo de marque de commerce à côté. Donc T-Union Shirt, marque de commerce. C'est intelligent, j'aime ça. C'est le designer Andrew Nair qui a créé ça. 100% coton, c'est tout simplement T-shirt. C'est du génie. Ensuite, on va dehors avec un vélo. Hein, et on parle du Flip Crown. Que ce soit pour mettre votre vélo en storage ou dans une dans l'arrière-boutique avec le reste de mes gadgets ou encore peu importe pour la nuit. Donc les poignées sont souvent dans le chemin de faire tenir le vélo sur un mur. Moi en ce moment il est dans mon salon, mon vélo, et le guidon fait qu'il y a de la misère à sa côté, fait que je suis obligé de le mettre entre d'autres affaires pour qu'il puisse tenir sur le mur. Donc pour rendre ce processus un petit peu moins compliqué avec le Flip Crown, c'est un accessoire pour vélo qui vous permet de flipper votre poignée, votre guidon à 90 degrés en quelques secondes. Pour l'utiliser, vous dévissez une toute petite bolt avec l'outil inclus. Bon, là, on dit un outil inclus, c'est plat parce qu'il faut traîner un outil. On appuie sur le bouton Flip Crown et ensuite, vous flippez les poignées du côté que vous voulez. C'est parfaitement sécuritaire. Ça s'installe en 15 minutes environ et ça fait un monde de différence quand vous devez barrer votre vélo dans une place où il y a plein de vélos côte à côte et que les guidons sont dans les jambes. Donc, c'est le Flip Crown sur Indiegogo pour $30. Ensuite, on y va avec un gadget. En fait, c'est pas vraiment un gadget littéralement. En fait, c'est pas du tout un gadget. Mais vous savez que la chronique, c'est l'expression de réponse là. C'est pas que des gadgets électroniques, ça peut être des gadgets de tissu. Ça peut être des choses qu'on va utiliser. C'est des choses qu'on peut acheter. C'est pour ça qu'on dit la chronique des choses ridicules à acheter sur Internet. Je devrais peut-être changer le mot gadget pour chose. Bref, on s'en fâche dans les détails, mais c'est la Flip Belt. C'est une ceinture qu'on porte autour de la taille, bien sûr, mais pour faire fonctionner vos gadgets de fitness. Par exemple, votre iPhone ou autre téléphone cellulaire, vous voulez pas avoir à le traîner sur un brassard, c'est tellement laid. Vous voulez pas avoir à le traîner dans votre poche parce que vous avez pas de poche. Un sac banane, on n'aime pas ça. Donc, c'est une ceinture de tissu. En fait, ça doit être précisé dans l'article. On y viendra tantôt, mais vous pouvez insérer votre téléphone à l'intérieur de ça. C'est comme super élastique. Donc, vous allez pouvoir transporter vos clés, votre argent, votre téléphone, tout ça de façon totalement sécuritaire et sans ça donnera pas l'impression aux voleurs qui peuvent vous voler comme un sac banane pourrait le faire, parce que bon, sac banane, souvent c'est les touristes qui ont ça, ils peuvent avoir un petit appareil photo, pas mal d'argent, tu sais, des trucs comme ça. Ça pourrait ne pas être super sécuritaire. Donc la flip belt, c'est l'équivalent d'un sac banane, mais comparé à ça, c'est complètement collé sur votre ventre. Et ça a juste l'air d'une ceinture de nylon, si on veut. Donc, tubulaire, ça ne me dit pas encore le matériau, j'aurais aimé savoir. Oui, c'est fait de, voilà, mélange spandex et lycra, antibactérien. Ça élimine, ça absorbe pas l'humidité, nous dit-on. Ça sèche rapidement, c'est lavable à la machine. Et les choses dans vos poches, dans votre poche, dans le fond, vont rester là en tout temps. Super, super sécuritaire et très simple, disponible en plein de couleurs, bleu, vert, noir, mauve et rose. C'est bien. J'aime ça. C'est tellement à la mode, les trucs pour le fitness. Et un iPhone, c'est tellement gros. Ensuite, ça, c'est spécial, ça. C'est le Neptune Duo Smartwatch and Pocket Screen. J'ai lu ça il y a quelques temps. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Les montres intelligentes sont typiquement esclaves de vos téléphones intelligents. Donc, si on laisse son téléphone à la maison, la montre ne pourra pas faire grand-chose parce qu'elle prend la puissance de votre téléphone cellulaire. Le Neptune Duo, ça vire ça à l'envers. Ça vire la hiérarchie de bord. Et c'est le Hub Smartwatch qui est le cerveau de l'opération avec Android Lollipop équipé d'un quad-core, un processeur quad-core, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC et 3G, 4G pour l'Internet mobile. Et l'écran de poche n'est pas votre téléphone cellulaire. Vous devez traîner un autre écran. Ouais, c'est ça qui est bizarre, c'est la Pocket Screen, une interface pour votre hub, pour faire des appels, pour rester connecté et pour envoyer des messages. Vous pouvez le faire, c'est juste un peu moins pratique si jamais vous l'oubliez à la maison. Donc le Duo fonctionne aussi avec l'application, fonctionne avec toutes les applications que vous connaissez et que vous aimez grâce à ses racines sur Android, et ça va durer plusieurs jours sur une charge normale, alors que la Pocket Screen est aussi une batterie supplémentaire pour votre hub, si jamais vous en manquez. Donc ça coûte tout ça 600$, ça va être envoyé à la fin de 2015. Je suis extrêmement sceptique à l'idée que... je sais qu'un jour, de toute façon, la Apple Watch et autres va devenir... ces montres intelligentes-là vont devenir votre téléphone. Vous n'aurez plus besoin d'avoir un téléphone à part. Ça s'en vient dans les prochaines années, c'est garanti. Mais là, d'avoir un écran supplémentaire pour communiquer avec la montre, je trouve que c'est inutile. Si le téléphone était vraiment déjà complètement dans la montre, on n'a pas besoin d'un écran supplémentaire. On dirait que c'est juste pour pouvoir faire comme le contraire des autres. Je suis vraiment pas sûr de ça. Mais bon. Je suis pas sceptique de grand-chose habituellement. Ensuite, vous aimez les Starburst, les petits bonbons, genre un petit... C'est des bonbons mâchouillants un peu, là, fruités. On connaît ça, les Starburst. C'est un sac d'une livre de Starburst que vous pouvez vous procurer pour 10$ sur Internet. Pourquoi pas un sac de Starburst? Tu sais? Pourquoi pas? Est-ce que les saveurs, le choix de saveurs est montré? Ici, tu as une livre de Starburst au citron et seulement du Starburst au citron. Seulement ça. Et là, tu peux chercher d'autres versions et c'est vendu par Starburst pour moins de 10$ sur Amazon.com. Pour les fans, ça pourrait valoir la peine. Ensuite de ça, c'est quand même cool, ça. Tu sais, les tableaux babillards, c'est bien le fun, ça augmente la productivité, vous mettez vos notes là-dessus, c'est toujours le fun. C'est ça, on n'aime pas piquer une punaise à travers quelque chose qu'on prévoit garder. Et maintenant, avec le pun, vous n'aurez pas à le faire. OK, là, vous allez me dire, OK, comment est-ce que ça peut être une punaise, mais que ça transperce pas quelque chose? Ben, c'est ça, la beauté de la chose, c'est que c'est une punaise, mais au bout de la punaise, t'as un genre de... Ça ressemble un peu à un porte-clés. Tu sais, l'anneau que t'as sur un porte-clés, c'est facile d'insérer quelque chose dedans. C'est le même principe. Donc, tu branches, tu plantes ta punaise dans le tableau, et entre les deux ronds, si on veut, comme dans un porte-clés, tu insères la photo. C'est du génie! On s'entend, ça fait aucun dommage à ce que vous voulez afficher. C'est tout petit, c'est très très solide, c'est fait de stainless steel, acier inoxydable. C'est complètement versatile pour afficher, présenter n'importe quoi sur votre mur. 7$ pour 20 pun punctureless push pin. Une chance que nos micros ont des mousses parce que ça aurait popé ça. Pun punctureless push pin. Voilà. Il nous en reste encore quelque chose. J'ai envie de terminer ce que j'avais d'ouvert. Mais je vais en faire un dernier à la place. C'est des chandelles qui puent. C'est des chandelles qui devraient sentir quelque chose, mais qui finissent par puer finalement. Donc c'est la Stinky Candle Company qui vend des chandelles qui sentent un paquet de choses bizarres. Par exemple des burritos, moufettes, un pot de terre, du ganja, de l'urine, des crayons numéro 2, de la gasoline et plus. Il y en a qui vont aimer certaines de ces odeurs-là, mais quand même, ne vous en faites pas avec ça. C'est ça, vous n'êtes pas certain de ce que ça va sentir à la fin. Ce qu'on va faire, c'est vous donner une fausse odeur. Donc, par exemple, tu as l'odeur du vin, ici. C'est l'odeur du vin. Et là, c'est bizarre, en fait, parce que les autres, c'est clairement la moufelle qui est affichée dessus. C'est ça qui est bizarre. OK, l'autre, c'est vraiment affiché... OK, il y en a une, c'est du bacon. L'autre, c'est une moufette. OK, je pense que c'est ça. Dans le fond, l'emballage vous dit ce que ça va sentir. Vous pouvez faire... évidemment, vous n'êtes pas obligé de montrer l'emballage à la personne à qui vous allez donner ça. Peut-être que vous pouvez masquer le collant et la donner en blague. Il y a l'odeur de pizza. Il y a l'odeur d'un urinoir, comme j'ai dit. Crayon plomb, pourquoi pas. Crayon de gaz. Pas de crayon de gaz, parfum de gaz. Donc, il y en a un paquet comme ça. C'est Stinky Candle Company. C'est ce qu'on veut retrouver sur assemblagerequis.com. Voilà. Ça et d'autres cochonneries sur le site. Encore une fois, c'est dans les notes de l'émission numéro 848, si vous voulez chercher sur assemblagerequis.com. Nous, par contre, ça va être la fin de ce gros marathon. Tant qu'à faire un marathon du mercredi, vous savez, je fais le marathon, le mercredi marathon Mathieu Plante avec le Mathieu Plante Show à 13h et les panneaux assez fous à 18h, à 15h. Aujourd'hui, un marathon de ça existe, ça ne devrait pas, on l'a. Donc, on n'a personne à remercier, absolument personne, sauf moi et vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. À 11h, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, j'ai dit le Mathieu Plante Show, 15h, les Palmarès C'est Fou. À 18h, l'émission de musique électronique automatique. Et finalement, à 19h, c'est les Audacieuses avec leur découverte musicale. Cifou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusion. On se quitte avec une pièce de Twin River qui s'appelle Bend to Break. Parce qu'aujourd'hui, je me suis fendu en quatre. Je me suis plié tous les bars pour faire plaisir avec des gadgets. Ah, merci d'avoir écouté ça. Et à demain. Bye.